Vous n'avez rien vu alors, Emilia? Ni jamais rien entendu, ni jamais rien soupçonné? Si fait, vous les avez vus ensemble, elle et Cassio. Mais alors, je n'ai rien vu de mal, et pourtant j'entendais chaque syllabe que le moindre souffle échangeait entre eux. Quoi? Ils n'ont jamais chuchoté? Jamais, monseigneur. Ils ne vous ont jamais éloigné? Jamais. Sous prétexte d'aller chercher son éventail, ses gants, son masque, ou quoi que ce soit? Jamais, monseigneur. C'est étrange. Monseigneur, j'oserais parier qu'elle est honnête et mettre mon âme comme enjeu. Si vous pensez autrement, chassez votre pensée. Elle abuse votre cœur. Si quelque misérable vous a mis cela en tête, que le ciel la récompense par la malédiction qui frappa le serpent. Car, si elle n'est pas honnête, chaste et fidèle, il n'y a pas de mari heureux. La plus pure des femmes est noire comme la calomnie. Dis-lui de venir ici. Va. Emilia sort. Elle n'est pas à court de parole, mais il faudrait être une entremetteuse bien simple pour ne pas savoir en dire autant. C'est une subtile putain, un réceptacle fermé à clé de secrets infâmes. Et pourtant, elle se met à genoux et prie. Je l'ai vue, moi. Entre Emilia avec Desdemona. Desdemona. Monseigneur, quelle est votre volonté? Je vous en prie, poulette, approchez. Quel est votre plaisir? Laissez-moi voir vos yeux. Regardez-moi en face. Quelle est cette horrible fantaisie? Ôtez-lui, Emilia. À vos fonctions, dame. Laissez seuls ceux qui veulent procréer et fermez la porte. Toussez et criez « Hum !» si quelqu'un vient. Votre métier. Votre métier. Allons, dépêchez-vous. Emilia sort. Desdemona tombant à genoux. Je vous le demande à genoux. Que signifie votre langage? J'entends une furie dans vos paroles, mais non les paroles. Eh bien, qu'es-tu? Votre femme, monseigneur, votre fidèle et loyale femme. Allons, jure cela, damne-toi, de peur que te croyant du ciel, les démons eux-mêmes craignent de te saisir. Donc, damne-toi doublement, jure que tu es honnête. Le ciel le sait vraiment. Le ciel sait vraiment que tu es fausse comme l'enfer. Envers qui, monseigneur? Envers qui? Comment suis-je fausse? Ah, Desdemona! Arrière! Arrière! Arrière! Il sanglote. Hélas! Jour accablant! Pourquoi pleurez-vous? Suis-je la cause de ces larmes, monseigneur? Si par hasard, vous soupçonnez mon père d'être l'instrument de votre rappel, ne faites pas tomber votre blâme sur moi. Si vous avez perdu son affection, moi aussi je l'ai perdue. Le ciel aurait voulu m'éprouver par des revers. Il aurait fait pleuvoir toutes sortes de maux et d'humiliations sur ma tête nue. Il m'aurait plongé dans la misère jusqu'aux lèvres. Il m'aurait voué la captivité, moi et mes espoirs superbes. Eh bien, j'aurais trouvé quelque part dans mon âme une goutte de résignation. Mais, hélas, faire de moi, le chiffre fixe que l'heure du mépris désigne de son aiguille lentement mobile. Pourtant, j'aurais pu supporter cela encore, bien, très bien. Mais le lieu choisi, dont j'avais fait le grenier de mon cœur, et d'où je dois tirer la vie, sous peine de la perdre. Mais la fontaine, d'où ma source doit couler pour ne pas se tarir, à n'être dépossédée, ou ne pouvoir la garder, que comme une citerne où des crapauds hideux s'accoupent et pullulent. Oh, change de couleur à cette idée. Patience, jeune chérubin aux lèvres roses, et prends un visage sinistre comme l'enfer. J'espère que mon noble maître m'estime vertueuse. Oh oui, autant que la boucherie, ces mouches d'été qui engendrent dans un bourdonnement. Ô fleurs sauvages, si adorablement belles, et dont le parfum si suave enivre douloureusement les sens, je voudrais que tu ne fusses jamais née. Hélas, quel péché ai-je commis à mon insu? Quoi, cette page si blanche, ce livre si beau, était-il fait pour la plus infâme inscription? Ce que tu as commis? Ce que tu as commis, ô fier public, si je le disais seulement, mes joues deviendraient des forges qui brûleraient toute pudeur jusqu'à la cendre. Ce que tu as commis, le ciel se bouche le nez et la lune se voile à tes actions. La lascive rafale qui baisse tout ce qu'elle rencontre s'engouffre dans les profondeurs de la terre pour ne pas les entendre. Ce que tu as commis, impudente prostituée. Par le ciel, vous me faites outrage. Est-ce que vous n'êtes pas une prostituée? Non, aussi vrai que je suis une chrétienne. Si préservée pour mon mari, Ce vase, pur de tout contact, illégitime, n'est pas l'acte d'une prostituée, je n'en suis pas une. Quoi ? Vous n'êtes pas une putain ? Non. Aussi vrai que je serai sauvé. Est-il possible ? Oh, que le ciel ait pitié de nous ! J'implore votre pardon alors. Je vous prenais pour cette rusée putain de Venise qui a épousé Othello. »